T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. You know what's new, let's go on the way, so wait. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le samedi 6 mars, premier samedi du mois. Ah oui, notre précédent rendez-vous c'était le 6 février, on se retrouve le 6 mars. Le mois de février était un mois parfait, calendairement parlant, on va dire, puisque il comptait 28 jours, 4 semaines complètes qui ont commencé un lundi et se sont terminées un dimanche. C'est assez rare que pour le souligner. Voilà, c'est l'épisode d'aujourd'hui 428 de Planète Indie. Je vous souhaite la bienvenue que vous nous écoutiez. Apparemment, on m'écoute déjà un peu plus loin, donc je tiens à passer un petit message personnel. Je vais souhaiter un grand bonjour à Hélène, qui m'a promis d'écouter aujourd'hui, donc j'espère qu'elle tient sa parole et qu'elle est à l'écoute. Je vais aller vérifier ça tout de suite sur les logs de connexion. Voilà, le petit message est passé et on va parler un tout petit peu du programme d'aujourd'hui parce qu'on a un calendrier et un programme assez chargé parce que si vous avez suivi l'actualité culturelle dans la région, vous savez que le Lux Film Fest vient d'entamer sa 11e édition. Ça a commencé avec l'ouverture, l'inauguration, c'était jeudi dernier et ça dure jusque dimanche prochain. L'année dernière, l'édition avait été interrompue suite au Covid. Moi, je sais bien que j'avais été voir quelques films et puis ça avait été complètement mis à l'arrêt. Ils n'avaient même pas distribué les prix puisque le jury n'avait pas pu voir tous les films en compétition. Cette année-ci, on en parlera un peu plus, mais c'est une formule un peu hybride. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Je vous propose de nous lancer directement dans la programmation musicale de ce soir, enfin de cette fin d'après-midi. Il fait encore bien clair maintenant, on gagne pas mal de minutes chaque jour, donc on va dire encore de cet après-midi, avec un artiste qu'on a découvert le mois dernier. Il est italien, il s'appelle Giovanni Zorzi. Il est italien, mais il vit du côté de Boston. Et il nous interprète un morceau intitulé Udaman. Et puis après, ce sera le groupe de rock progressif Code 18 ou Code 18, River of Blood. Bon début de soirée, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h30. Don't Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Ann Mercer, and you are listening to Planet Indie. Hey, what's up? This is Jupiter and Velvet coming at ya on Planet Indie. From miles and miles around, just to learn where Marie Laveau was laying down. She could do things that everyone would dread. She messed up the living and she talked to the dead. Ye folks underground, I can hear you whisper your secrets to me. About the afterlife, about love, about death. Sad news broke out about the break of day. It seemed like Marie Laveau had passed away in St. Louis Cemetery. She was laid in a tomb. She was buried that night by the light of the moon. Marie Laveau, oh Marie Laveau. Folks still believe in this voodoo queen. Way down in New Orleans. Vous le savez peut-être, lundi on sera le 8 mars et le 8 mars c'est la journée internationale des femmes. Et bien Planet Indie s'associe à cet événement, enfin à cet événement, à cette célébration. On leur rend honneur aujourd'hui et notamment avec cette chanson du groupe Blues Escape avec à l'accompagnement exceptionnel Joanna Lilvic qu'on connaît dans cette émission, et dans une chanson interprétée et dédicacée et consacrée, voilà, à Marie Laveau. C'est le titre de la chanson. Marie Laveau qui était une sorte de sorcière ou de prêtresse vaudou. Elle a vécu à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle. Elle est morte en 1881. Et elle était née en 1801. Voilà, et c'est donc ce groupe Blues Escape qui lui rendait hommage et qui lui dédicaçait cette chanson. Je rappelle son nom, Mary Laveau. D'ici quelques minutes, nous irons voir ce qui se passe sur notre album Powerplay. Pour cela, on ira du côté de Los Angeles. Une fois n'est pas coutume. Avant cela, je vous propose d'écouter encore le groupe West of Eden avec un morceau que vous reconnaîtrez certainement. En tout cas, si vous êtes de ma génération, c'est une reprise d'un morceau très très connu, d'un groupe très très connu aussi. Allez, je vous le dirai après, je vous laisse écouter et chercher par vous-même. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can't get the words out. I wanna be with you everywhere. I wanna be with you everywhere. Something's happening to me. My friends say I'm acting peculiarly. Come along, baby, better make a start. You better make it soon before you break my heart. I wanna be with you everywhere. Everywhere. I wanna be with you everywhere. Your name. You know that I'm falling and I don't know what to say. Come along, baby, better make a start. And you better make it soon before you break my heart. I wanna be with you everywhere. Voilà, comme je vous disais, si vous êtes plus ou moins de ma génération, vous avez très certainement reconnu qu'il s'agissait d'une reprise du groupe Fleetwood Mac, un groupe qu'on ne présente pas, avec ce morceau Everywhere. Et la reprise était signée West of Eden. 17h24 minutes, comme promis, comme annoncé, eh bien nous allons nous rendre du côté de Los Angeles pour aller découvrir notre album Power Play. Elle est basée là-bas, donc à Los Angeles. Elle s'appelle Brooke Benson. C'est une chanteuse, compositrice, mais elle se qualifie aussi d'artiste. Alors, c'est une expression anglaise qui est difficile à traduire en français. Elle dit « I'm a spoken words artist ». Donc, on pourrait traduire ça par une artiste de mots parlés ou une artiste de paroles récitées par opposition à une chanteuse eh bien, qui ne parle pas ou qui ne récite pas ses paroles, mais qui les chante. Elle vient de sortir son premier EP, un album intitulé I Am the Sun, Je suis le soleil, qui nous sert. On était dans le vaudou il y a quelques minutes, on est encore en plein dedans ici avec le titre de cet album, I Am the Sun, qui nous sert donc de support Powerplay aujourd'hui. sa carrière, j'ai mis carrière entre guillemets, puisque elle déborde un peu le cadre de la musique. Sa carrière a débuté sur les planches du théâtre et puis elle s'est poursuivie par la suite dans une forme plus active, voire même activiste, lorsqu'elle s'est mise à rédiger ses propres commentaires sur la justice, voire respectivement l'injustice sociale, ainsi que tout ce qui lui touchait à cœur, tenait à cœur, pardon, et elle le faisait cela sous forme de poésie. D'où le qualificatif d'artiste de paroles récitées et aussi le qualificatif, entre guillemets, de carrière. Brooke Benson ne sera probablement jamais une grande diva, mais à la place, elle a mis toute son énergie et son talent dans ses mots. Elle les aime et elle sait comment les accommoder à diverses sauces musicales. C'est ainsi que l'on retrouve dans cet album des sonorités issues du jazz, bien entendu aussi du monde du hip-hop, puisque c'est aussi un monde auquel elle touche beaucoup, puisqu'elle c'est sa technique d'expression. Et le tout est parfumé au bluegrass notamment, mais on peut aussi voir cet ensemble comme un élément un peu new age. On y trouve des traces de spiritualité, plus dans le sens méditatif que religieux, et des inspirations astronomiques. C'est à la fin des années 60, en gros, la combinaison de ces deux éléments qui a donné naissance au mouvement donc New Age. Et en ce sens, I Am The Sun s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Il n'y a qu'à voir déjà simplement la couverture de l'album pour s'en convaincre. On y voit une femme que l'on imagine être Brooke elle-même, drapée de blanc, les bras levés au ciel, comme pour en invoquer les forces célestes, et avec une sorte de boule qu'on imagine, au vu du titre de l'album, être le soleil, qui descend progressivement sur elle. Bref, on est en plein dans le New Age aussi. Je vous en ai sélectionné 3 extraits pour aujourd'hui. Ça n'a pas été trop difficile, puisque comme je disais tout à l'heure, il y avait 7 morceaux sur cet album. Et le premier qu'on va écouter s'intitule « Go with the flow ». Donc en gros, suivez la foule, suivez le mouvement. Elle s'appelle Brooke Benson, son album s'appelle I Am The Sun, et c'est notre powerplay ce soir, ou cette fin d'après-midi, dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Sonnets of dancing words of spinning stars. Can you start at my eyes and move to my heart? Can you stand in stillness and start a fire? Tell me the truth when all you want to do is conspire. I walk fast and you glide slow. You are elusive and I just know. Like how your heart was overthrown and then sewn back together with a needle and rope. Can you write me a letter with crayon and ink? Color me outside the lines with bright colors and intricate designs. We've been here before and our roots run deep. Circling around, there's a pattern to things. Even the way our paths keep on crossing. And the bonds that we form are the truth of what life is offering. With the rising of the sun and the moon and the lies and the truth and the way that I flow when I'm next to you. I'm on a high then a low when you come and you go. But it's only love that I feel when I go with the flow. Feel when I go with the flow. I look at you in the fading light. Your eyes look soft like the moon glistening on a lake at night. It's hard to see beyond the surface sometimes. The spells that we cast on each other are neither wrong nor right. So let's surrender to the moment and on this earth tread light. Like that time in Joshua Tree under the stars of light. You said you felt like we've known each other in another time, in another life. Like those crows taking flight. And I said, what about now? What about tonight? And you said, I don't know. And I said, I guess that's all right. The sky above a blanket of galaxies. I'm reminded of how we're made up of stars and the algorithm of complexities. With the rising of the sun and the moon and the lies and the truth and the way that I float when I'm next to you. I'm on a high then a low when you come and you go. But it's only love that I feel when I go with the flow. that I feel when I go with the flow. It's only love that I feel when I go with the flow. That song you sang still plays in my mind. The one you wrote, pulled over on a dark, dusty road, about being hopeful amidst the seeds that we've sowed. You told me quietly that you've learned from the past and the debts that you've owed. And I said, shake me from this trance and please take this last dance. We were high on a mountaintop in a room with a view. You woke me from a dream when you asked me to leave at 3 a.m. so you could get some sleep. Until then it was perfect, or maybe just alright. So I drove home alone in the middle of the night. So I drove home alone in the middle of the night. So I drove home alone in the middle of the night. The rising of the sun and the moon and the lies and the truth and the way that I float when I'm next to you. I'm on the high and the low when you come and you go. Elle s'appelle Brooke Branson, elle nous a interprété Go With The Flow, cet extrait de cet album, donc I Am The Sun. J'espère que vous avez fait attention un peu aux paroles, c'était assez amusant. Elle raconte un moment, j'étais pas contente quand tu m'as demandé de partir à 3h du matin pour que tu puisses dormir un petit peu, donc j'ai conduit toute seule dans ma voiture pour rentrer. Voilà, c'est un peu ce qu'elle racontait dans cette chanson Go With The Flow. On écoutera deux autres extraits de son album, de son EP I Am The Sun d'ici 18h30. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook. On a un petit groupe sympa. On est à peu près 200 et vous pouvez notamment entrer en contact avec pas mal d'artistes que vous avez l'occasion d'entendre dans cette émission. Il y en a beaucoup qui sont membres et qui sont connectés assez régulièrement. Donc, si vous voulez les découvrir, ben, n'hésitez pas. Hein. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous allez tomber sur nous. Voilà, pour l'heure, je vous propose une autre femme. Bah oui, comme je disais tout à l'heure, la journée des femmes, c'est lundi, donc on en a pas mal qui sont mises à l'honneur aujourd'hui, avec une très très belle chanson. Elle s'appelle Andra Stallone. Alors, je sais pas trop comment on prononce son nom, parce qu'il y a un tréma sur le A, elle est suédoise, et malheureusement, mes connaissances en suédois sont plus que limitées. Donc Andra Stallone, ou Stellen, je ne sais pas trop comment il faut dire, son morceau s'appelle Slutet, et je pense, et je suis même pratiquement certain, que c'est la toute première fois qu'on l'entend dans cette émission. Donc, ouvrez bien grand vos oreilles. Très belle chanson. See you going over there, drowning all that I am, sinking, running, take me far from here, kiss you quick, your hand in my hand, bodies moving apart, the killing shot is on its way, don't know how to start breathing, healing, hearts falling apart. You lit my heart up for sparks only part. Those eyes scarred my fragile heart. Goodbye. Leave it on the ground. C'est une très belle chanson, elle s'appelle Anna Stalin et le morceau s'intitule, c'était un mélange entre s'intitule Slutette. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission, on parlera un peu plus longuement tout à l'heure du programme du Luxville Film Fest, la 11e édition, puisqu'au Luxembourg, eh bien, les cinémas sont ouverts en tout cas. Et par contre, les salles de concert, c'est assez limité hein, au niveau de la programmation à la Rocale. Le spectacle du 11 mars 5K HD plus Athletic Progression, eh bien, c'est reporté. Il y a cependant ce qui se tiendra en collaboration justement avec le Festival du film de Luxembourg, la Music Video Night, ce sera le 12 mars, là c'est maintenu. L'avenue de Vita et Slimane, qui devait se faire le 25 mars, est postposée aussi. Samra, du 27, c'est même pas postposé, c'est annulé, de même que Richie Kotzen, qui devait venir le 28 mars. Et le premier spectacle qui est prévu est notamment celui de 47 Terres, le 7 avril. Mais d'ici là, on verra bien ce qu'il en sera. Au niveau de la culture fabrique, c'est assez limité aussi, puisque vendredi prochain, le 12 du 3, apparemment, il y aura toujours la release party pour Heavy Petrol. Et ils feront la même chose le samedi 13. Ça se passera à 20h. Le vendredi suivant, c'est toujours annoncé aussi Go March. Et puis le samedi 20, on nous annonce Aircheck et Skibi. Plus d'infos, ben, vous n'hésitez pas à aller voir le site culturefabrique.lu ou rocal.lu, et puis on ira aussi voir du côté de l'abbaye de Neumünster d'ici quelques minutes ce qu'ils ont à nous proposer. J'imagine que leur concert apéro jazz du dimanche matin sont toujours maintenus, mais je pense qu'au niveau des tickets c'est assez limité aussi, évidemment. Avant cela, je vous propose d'écouter les Mystics avec Let's Get Started, et puis Steve Yannick, là on l'a déjà écouté il y a peut-être pas le mois dernier, ça devait être il y a 2 mois je pense, et je vous avais dit que c'était un candidat powerplay. Eh bien, je maintiens que c'est un candidat powerplay, on aura probablement l'occasion de le découvrir un peu plus en profondeur, mais pas vraiment en profondeur, son album en profondeur, oui, dans une prochaine émission. Steve Yannick qui nous interprétera le morceau Across the Landscape, mais tout de suite Let's Get Started avec les Mystics. Oh, let's get started and let's not stop. Get to the heart of it, let's just rock. Oh, the rock of ages was cleft for thee. Oh, fools and sages, to all be free. And it's hidey-hidey-hidey-hey. Let's roll until we roll right on away. Two, seven, the bars. Hell, I ain't changing the way I feel. It's all the same, it's all that's real. And it's hidey, high, hidey, ho. Well, baby, I don't care, and I don't know. All them blues gone away in the night. Hey, hey. Bye. Steve Yannick, ce sera un futur power play avec son album Across the Landscape. Et nous, on écoutait le morceau Across the Landscape, la plage donc titulaire de cet album. Voilà, on a écouté, on a été voir le programme de la Rock'n, on a été voir ce qui se passait sur la Culture Fabrique. Au niveau de l'abbaye de Neumünster, ils sont un peu plus achalandés, mais comme je vous disais, il y a déjà plusieurs spectacles qui sont sold out, notamment le concert prévu demain à 11h, donc le fameux concert apéro jazz. Si vous n'avez pas de ticket, ben vous ratez le Eve Bevens en solo. Si vous avez un ticket, ben tant mieux pour vous. Le 12 mars à 20h, Shuffle qui sera en concert, un groupe de jazz luxembourgeois si je ne m'abuse. 14 mars, Rebelote, c'est déjà sold out pour l'apéro-concert de Twan Tis avec son Overseas Tamam Morning. 14 mars à 17h, vous pourrez voir Jan Dismas Zelenka dans le cadre du festival Passion. 21 mars, c'est le prochain apéro-concert qui n'est pas sold out, donc si vous voulez y aller, ne traînez pas parce que je pense que ça va partir assez vite et ce sera un hommage rendu à Michel Petrucciani. 28 mars, groupe allemand Lotchen avec Vibraphone Gesang. Et puis on arrive au 1er avril avec la plainte d'Orphée, toujours dans le cadre du festival Passion. Plus de renseignements sur le site de l'abbaye de Neumünster, neumünster.lu. Voilà, d'ici eh bien, quelques minutes, nous retournons sur notre album Powerplay de ce soir, l'album de Brooke Branson. Avant cela, eh bien, on va écouter Bobo Burns avec Queen of the Party, en gros la reine de la soirée ou la reine de la fête. She's the queen of the party, the sweetheart of the rodeo. Crowd hangs on every single word she goes. The toast of the town, from coast to coast. She's looking for that lonesome sound she loves the most. And her mama said she'd be all right. Mama said she'd be all right. Mama said she'd be all right. Mama said she'd be all right. Mama said she'd be all right. Right. surprised. She took me by the hand, said, boy, let's hit the road. We gotta drive all night if we're gonna make my next show. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. She's a fallen angel with the sweetest voice on earth, singing second line, a third above love. Star putting on another show. Could be Nashville, Austin, maybe Los Angeles. She's preaching country gospel like an old time evangelist. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. I said, whoa, Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. Here she goes. Mama said she'd be alright. Mama said she'd be alright. I said, whoa, Mama said she'd be alright. Queen of the Party avec Bobo Burns, 17h54 minutes. Je profite de l'occasion pour vous signaler aussi que cette émission, eh bien, comme chaque mois, elle sera rediffusée demain aux mêmes heures et sur cette même fréquence, c'est-à-dire entre 17h et 18h30 sur le 96.6 FM de RGL. Et puis si vous nous écoutez par internet, vous pouvez nous retrouver aussi sur via le site de RGL, rgl.lu, ou le site de Planet Indie, www.ilovemusic.ga. Et puis vous nous retrouvez aussi sur le câble et l'offre câblée Post Luxembourg, Proximus et vous en Belgique si je ne m'abuse. Retour donc sur notre album Powerplay, l'album I Am The Sun. On devrait peut-être, certains diront que c'est pas un album, que c'est un EP, puisque on ne compte en gros que 7 morceaux, mais on peut se demander où on met la limite entre album et EP. Personnellement, moi j'ai tendance à la mettre à 6, donc jusque 6 morceaux, on a un EP, et à partir de 7, on tient un album. Donc pour moi, on est bien sur un album. Bref, cet album donc est une riche tapisserie de paroles bien articulées, pour des paroles il vaut mieux, hein. Et tout à la fois provocatrice, ou à tout le moins en tout cas susceptible de provoquer la réflexion et le débat. Le tout est accompagné d'une composition musicale brillante, bref, un ensemble avec un message qui stimule les sens, élève l'esprit et nous regonfle d'énergie. Le morceau que j'ai sélectionné, c'est la plage d'ouverture de l'album, la piste numéro 1. Elle s'appelle I Am The Sun, elle donne aussi son nom à l'album. Et sur ce morceau, l'utilisation des instruments à cordes et des percussions crée une atmosphère instrumentale classique, mais les voix restent bien au centre de la composition. On les trouve fortes et puissantes avec des paroles sincères et enrobées de métaphores, ce qui au final nous donne une composition très dynamique qui remplit l'auditeur d'énergie positive, bien entendu, et le motive et le stimule dans tous ses sens. C'est exactement ce que je disais. Alors, soyez prêts à être stimulés, motivés et remplis d'énergie avec ce morceau « I am the sun » interprété par Brooke Benson. Power play. Power play. With my visions in front and my lineage behind, there's a sacred line that weaves and binds. I can feel their signs, stored like energy capsules in time. A flash of light, a lantern in the dark, all of your memories stored in my heart. Let every moment be a blank canvas, blank and formless. Colorful images merge, past, present, and future simultaneously converge. You are impressionism and I the wind. The longing is deep, we venture to begin. Somewhere a void filled with distractions, a place to hide, but there's no place to look but deep inside. The raven flies overhead, I can hear her song, whispering messages. If you follow your heart, you can never go wrong. If you follow your heart, you can never go wrong. The journey is long and the sun rises whether you continue to wake. Most are sleeping, building castles of formula, stagnancy and paper mache. The true lessons of love, though, cannot be delayed. Cause I am the sun and you are the sea. I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. I am the sun and you are the sea. I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. Let us plant new seeds from pavement cracks to green meadows. And be willing to break the shell of our brittle hearts with intentions of crimson tomorrows. Weed out regrets and past sorrows. Plant new thoughts, replacing old crops of the limitations of what we were taught. Let me become the bow and you my arrow. Piercing straight into the now, there is no promise of tomorrow. If you knew this, would you take me in your arms and pierce me with your truth? Would you tell me you're scared and ecstatic and your love can heal my heart? Carrying on the lineage embedded in every cell from the start. Cause I am the sun and you are the sea. I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. I am the sun and you are the sea. I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. I am the sun and you are the sea. I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. Envision a time when we all held hands in prayer, honoring the coming to be and passing away our connection to earth, fire, water, and air. Let our thoughts transform and our hearts soften. Let us kneel before you with grace in our palms, offering you the gifts that were never lost all along. The remembering begins. If you follow your heart, you can never go wrong. If you follow your heart, you can never go wrong. You are the sea, I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. I am the sun and you are the sea. I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. I am the sun and you are the sea. I am the particles and you are the breeze. You are the roots and I am the leaves. The harvest begins when we plant the seed. I am the sun and you are the sea. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Voilà, j'espère que vous voyez maintenant ce que je voulais dire quand je vous parlais d'une artiste de mots parlés ou de paroles récitées. Ce morceau l'illustre parfaitement. C'est la plage titulaire de cet album, I Am the Sun, par Brooke Benson. Gros dossier aussi, comme chaque mois de mars, puisque c'est l'ouverture du Lux Film Fest qui, pour cette 11e édition, eh bien, sera disponible en version hybride, à la fois en salle et en ligne, et qui proposera aussi différents événements via un important dispositif numérique. En tout cas, l'équipe est très heureuse d'annoncer que les compétitions fiction et documentaire seront disponibles en ligne, sous-titrées en français et en anglais, le lendemain de leur présentation en salle. Et l'ensemble des compétitions seront disponibles. Donc tous les films et documentaires faisant partie de la compétition, vous pourrez les voir en ligne si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un ticket pour la version salle, parce que c'est vrai que c'est un peu la bagarre pour avoir des tickets. Je vous avoue que j'ai réussi à en avoir quelques-uns, mais il y a une ou deux séances que j'aurais bien voulu, auxquelles j'aurais bien voulu assister, et c'était déjà complet. Que vous dire de plus? Donc, comme chaque année, il y a une compétition documentaire. Je vous invite à aller voir The Mole Agent, on a du mal à croire que ce documentaire est vraiment un documentaire, tellement ce film respecte les codes du film noir. C'est l'histoire d'un veuf retraité de 83 ans, qui est recruté par un détective pour une mission d'infiltration au sein d'une maison de retraite. Donc c'est un thème d'actualité aussi. Que vous dire de plus? Il y a évidemment, comme chaque fois aussi, les expérimentations avec le Made in ou Made with Luxembourg. Il y a notamment ce documentaire En zéro, comment le Luxembourg a disparu, qui pose comme question que se passerait-il si un événement nucléaire majeur venait à survenir à la frontière du Luxembourg? Quels seraient les gestes à adopter? Que deviendrait ce territoire, cette culture? Où iraient les réfugiés? Quels seraient les impacts linguistiques, économiques, environnementaux d'une telle catastrophe? Quel soutien doit-on espérer de nos voisins et quelle réactivité des autorités locales? Est aussi programmé Bad Luck Banging or Loony Porn. C'est l'histoire d'une personne bouleversée par l'apparition d'une sextape sur Internet. Sa vie, elle est enseignante, va emprunter des chemins pour le moins sinueux. C'est à réserver aux adultes. Et ce film a eu, juste hier ou avant-hier, l'Ours d'Or à la Berlinale. Donc c'est notamment ils ont dû dédoubler la séance suite à l'obtention de ce prix par ce film, puisqu'elle était prévue jeudi je pense à 19h. Ils ont refait une deuxième séance à 19h30. Heureusement, comme ça j'ai réussi à avoir un ticket, fantastique. on verra bien. Quoi d'autre? La soirée des courts-métrages se tiendra aussi. Il y a toute une série de cartes blanches et notamment celle d'Orange qui a tourné son choix vers Mika. C'est un film franco-marocain qui a été remarqué notamment au Festival d'Angoulême, Angoulême qu'on connaît bien dans cette émission aussi, suite au Festival de la bande dessinée surtout, qui raconte l'histoire émouvante d'un enfant des bidonvilles qui se servira du tennis pour se libérer de sa condition sociale. Donc quand ça parle du tennis, ça m'intéresse aussi. J'ai sélectionné pour vous aussi Sisters with Transistors. Là, c'est ce soir, si je ne m'abuse. Et ça se passera au Rotonde et ce sera suivi d'un DJ set de Sensu. C'est un film qui revient sur l'histoire inédite et méconnue des pionnières de la musique électronique qui ont transformé la façon de la produire comme de la consommer. C'est un documentaire, donc, et je pense que c'est ce soir au Rotonde. Le Casino Luxembourg Forum d'art contemporain proposera une carte blanche à Carolina Markiewicz et Pascal Piron. Ils auront la joie de soutenir le film de Fantastic, un documentaire captivant via lequel des ex-ressortissants nord-coréens nous livrent leur vision de l'Occident au temps où ils regardaient illégalement des films étrangers. Et puis allez voir aussi l'exposition au Cercle Cité, au Ratskeller. Ready, Set, Design, le décor de cinéma au Luxembourg. J'ai eu l'occasion d'aller la parcourir cette semaine, et c'est très très intéressant, notamment on voit comment le Luxembourg a développé son industrie cinématographique. On a des explications sur la conception et la réalisation de films au Luxembourg et par les différents métiers qui gravitent autour de la fabrication d'un film. Donc c'est au Cercle Cité, et l'exposition se prolonge jusqu'au 14 avril, l'entrée est gratuite. Voilà, le quartier général cette fois-ci est de nouveau au Casino Luxembourg, et par contre le pavillon réalité virtuelle, lui, déménage vers l'abbaye de Neumünster. Pour plus d'informations et pour les tickets ou les passes, www.luxfilmfest.lu. Le pass, si je ne m'abuse, est à 30 euros et vous permet en théorie de voir toutes les projections, sous réserve eh bien d'arriver à obtenir un ticket. Et c'est ça le gros challenge cette année. Et puis vous avez aussi un pass online pour voir les films en ligne. Mais il faudra être connecté avec une adresse IP du Luxembourg. Donc ça, faites bien attention à cela. www.luxfilmfest.lu pour plus d'informations. Et puis nous, on poursuit en musique avec Beauty in Chaos, Temple of Desire. We'll be right back. là c'est un groupe belge, il s'appelle Glass Museum. Je les ai découverts grâce à la série de concerts Because Music Matters, série de concerts dont je vous avais parlé le mois dernier, qui était organisée par la Rocal dans un cadre restreint et dans un cadre sanitaire avec un protocole très précis, et qui des concerts qui servaient à voir et à mesurer dans quelle mesure et bien le retour d'une vie culturelle pouvait se faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert, j'étais pas au concert, mais c'est comme j'ai entendu parler du groupe et du coup je me suis intéressé un petit peu. C'est comme ça que j'ai découvert donc ce groupe belge qui s'appelle Glass Museum. On les écoute avec Abyss. Je suis désolé, je dois les couper un petit peu parce qu'on est un peu court au niveau du temps aujourd'hui. Mais on va profiter que c'est un instrumental, on va le laisser en arrière-plan pour passer à notre capsule BD du jour, qui nous emmène dans la forêt, ça s'appelle The Woods. J'ai eu l'occasion de découvrir les volumes 1 et 2. Quelque part dans le Wisconsin, dans un collège, tout ce qu'il y a de plus classique, la vie des élèves est rythmée par les événements de leur vie d'adolescent. Que ce soit les amours naissantes ou déçues, la distribution des rôles pour la pièce de théâtre de la fin d'année, les facéties des uns et des autres, ou les futures affectations à la fac. Même les profs se disputent certaines prérogatives. Tout à coup, un fracas étourdissant se fait entendre et une lumière intense inonde le bâtiment. Une fois la stupeur passée, tout le monde reprend ses esprits. Tout le monde reprend ses esprits et se rend compte que quelque chose a changé. Le collège n'est plus là où il a l'habitude d'être. Il apparaît bien vite que tout ce petit monde a été transporté ailleurs, cet ailleurs se révélant être hors de la surface terrestre, dans une forêt aussi sombre que terrifiante. Au lieu de s'unir pour trouver le salut, les clans se forment désormais. Il y a ceux qui veulent rester tapis dans le bâtiment, ceux pour qui la solution se trouve dans les bois, ceux qui voient dans ce phénomène une occasion unique de prendre le pouvoir, et puis tous les autres. Les lieux sont peuplés de créatures plus étranges les unes que les autres, toutes n'étant cependant pas des monstres assoiffés de sang. De plus, d'autres humains sont présents en ces lieux, et depuis un certain temps, tout comme des aliens humanoïdes, sans compter une étrange force surnaturelle qui semble attirer de manière irrésistible certains éléments choisis pour leur confier une mission supérieure. Que d'imagination à l'œuvre dans ce récit, cela part dans tous les sens. De plus, une pléthore de personnages interviennent tant dans les premiers que dans les seconds rôles, si bien qu'il est facile de s'y perdre. On ne sait plus très bien qui est qui. Qui fait alliance avec qui pour s'opposer à qui. Bref, c'est drôlement emberlificoté. L'univers à intégrer est très riche aussi. Il est indispensable de faire travailler ses neurones pour rassembler tous les morceaux. Ajoutez à cela que les angoisses et inquiétudes existentielles des personnages, ajoutez à cela qui ont la chance d'être approfondies, à côté de l'intrigue principale, s'entend, sont typiquement celles de la tranche d'âge des protagonistes et ne parleront qu'à ceux qui s'y trouvent également. Le dessin est très fourni mais inégal à certains moments, les personnages sont travaillés tandis que les monstres sont bien moins réussis et pour la plupart pêchent par un manque de conception et de finition. Le jeu des couleurs est dans l'ensemble au point avec une forte propension à utiliser le mauve, ce qui contribue à renforcer le sentiment d'être bien ailleurs que sur Terre. La couverture du premier tome est prometteuse et annonce clairement la couleur. On se trouve dans une histoire d'horreur et de suspense, mais les promesses ne sont pas vraiment tenues. On aurait pu avoir droit à une pépite, mais on a plus la sensation de se trouver face à un brouillon de rue et touffu qui souffre de la profusion de personnages, de sous-énigmes, bref, de pièces dans ce puzzle et qui aurait grandement bénéficié d'une taille sérieuse. Cependant, nul doute que les ados s'y retrouveront, tant cette bande dessinée s'adresse à eux et à eux uniquement. Voilà, c'est mon point de vue de cette bande dessinée qui s'appelle The Woods par Tignon et Dialnias, et c'est sorti chez Ankama. C'était déjà sorti il y a un certain temps. Je vous mettrai donc la couverture dans le groupe Facebook ainsi que la conclusion, et puis si vous voulez relire la fiche de lecture complète, rendez-vous sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis en parlant de musique, on retourne sur celle-ci avec le groupe néerlandais Rotjoch qu'on a découvert le mois dernier, The Only Lonely Boy in Town. Just gonna bring without you now. seul garçon solitaire ou seul qui se sent seul dans cette ville, The Only Lonely Boy in Town par Rotjok. Bah écoutez, aujourd'hui le temps file, il est déjà 17h23, on arrive vraiment au bout, j'ai pas vu le temps passer aujourd'hui, et on doit encore écouter un troisième extrait de Brooke Benson. Elle n'est pas seule sur son album, elle s'est entourée de la fine fleur des musiciens qui s'intégraient à la perfection dans son projet, à savoir en premier lieu Chris Murphy qui joue du violon, l'aide à la composition et a aussi coproduit l'album. On retrouve aussi Michael Jerome et le DJ Bone Break aux percussions, Andreas Geck à la basse, et son nom ne vous dit peut-être rien, mais quand je vous parlais de la fine fleur, il a notamment joué pour Kelly Clarkson. Et on retrouve aussi les guitaristes Eric McFadden et Nate Lapointe, qui lui a eu l'occasion de jouer avec Bobby Womack. Brooke Benson a aussi joué pour beaucoup d'autres artistes, mais aussi pour des activistes, puisque c'est vraiment son créneau. On a ainsi pu l'apercevoir aux côtés de l'ancienne candidate aux élections présidentielles, Marianne Williamson, qui s'est ralliée à Bernie Sanders après avoir mis un terme à sa campagne personnelle début janvier 2020. Elle n'avait pas eu beaucoup plus de succès en 2014 lorsqu'elle a tenté de se faire élire à la Chambre des représentants sous une étiquette indépendante. Mais tout ceci nous éloigne de notre port d'attache musical de ce soir, cet album I Am The Sun par Brooke Benson, troisième extrait que j'ai sélectionné pour vous, Back In The Day. Et puis je vous ai mis la vidéo officielle du morceau qu'on a écouté tout à l'heure, I Am The Sun, sur notre groupe Facebook, donc vous tapez Planet Indie dans Facebook et vous nous retrouverez. Je pense qu'on va se quitter avec ce morceau, puisqu'il fait un peu plus de 4 minutes. J'étais très heureux de passer ce début de soir en votre compagnie, j'espère que vous avez apprécié la programmation musicale, et je vous retrouve donc pour un prochain épisode, le numéro 428, ce sera le 3 avril, prochaine émission en français samedi prochain, et puis cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30, et puis vous retrouverez le podcast sur notre site internet www.ilovemusic.ga dès ce soir. Voilà, je pense que j'ai été tout à fait complet. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, portez-vous bien et à très bientôt. Power play. Power play. Growing up in LA in the California sunshine, when my roller skates were my only ride, I would glide to freedom, armed with invincibility by my side. I was an unstoppable force, moving with the wind. The palms were blowing gently, and all my woes became as minute as the particles of sand that calmly glistened in the distance. My mom would blast the Bee Gees and the Doobie Brothers in her VW Bug. I would sing along to "How Deep Is Your Love." My first crush snuck up on me in the first grade. Michael was his name. To my surprise, he leaned over and he kissed me on the lips. But then he suavely leaned over and kissed my friend too. I didn't know what to think or what to do. Surprised, confused, I thought that maybe this was how boys acted, and so the trouble ensued. I started young with the poet, the dreamer, the rebel, and the magician. Archetypes blossom not so much from a decision, but from a photographic blueprint. Give me love and fill the void stint. Back in the day before there were cell phones and portals to check, I would write your name in indelible ink on a page filled with longing and hope, with an innocence that would sustain as long as the darkness stayed away. But despite all the setbacks and feuds, screaming karma and unconscious attitudes, growing up, growing pains, it's only the truest of the true that endures and sustains. The rest, it all falls away. I'm reaching for the sky, I'm hoping that you'll never go away. Cause you are in my heart, and I hope that's where you'll always stay. I'm reaching for the sky, On the stage, when struggles became fuel for a creative uprising, I could be a savage queen who sailed the seas. I could be a southern port sitting bourbon drinking feminist housewife. I could be a messenger and a martyr, a lover and a daughter. I could be a shy reclusive doll. I could be an Elizabethan femme fatale. Back in the day, I learned that money was not even a fraction of abundance. My best friend lived in an icy big house, but she wanted to be at my place, where it was loud and imperfect, but soulful and real to be herself space. My place, up at night, dancing to the Go-Go's and Cyndi Lauper, singing "We Got the Beat" and "Girls Just Wanna Have Fun" because nothing could stop her. My place, an incense burning, chanting num-yo-ho till the sun comes up, it'll set you straight place. My place, being grateful for the cards you were dealt place. I'm reaching for the sky, I'm hoping that you'll never go away.